Toute l'équipe de Batterie Expert, située au 757 boulevard Vézina à Dolbeau-Mistassini, vous souhaite une bonne année 2017. Santé, bonheur et prospérité, ce sont les vœux de l'équipe de Batterie Expert qui vous rappelle que pour tout besoin en batterie, c'est notre équipe qu'il faut consulter. Batterie Expert au numéro de téléphone 979-78-12. La coopérative de camionnage de Saint-Félicien aimerait souhaiter de joyeuses fêtes à toute la population. La coopérative de camionnage de Saint-Félicien est un employeur important dans le comté puisqu'il possède des camions de transporteurs et des chargeurs de bois. Les bureaux de la coopérative de camionneurs sont situés au 905 boulevard Amel à Saint-Félicien, au téléphone 418-679-4194. En ce moment de réjouissance, Mme Josée Turcotte, propriétaire de l'école Conduite Technique, aimerait souhaiter de joyeuses fêtes à sa clientèle ainsi qu'à toute la population. Paix, bonheur, santé, ce sont les vœux de la direction et du personnel de l'École de conduite technique située au 1531 boulevard Walberg, Dolbeau-Mistassini. 418-276-3708. On va parler d'une expérience quand même vraiment spéciale qu'un homme d'affaires bien connu du Saguenay va faire. C'est l'avocat Charles Quentin qui va escalader très prochainement le Kilimandjaro. Une expérience qui est pas toujours facile, qui demande beaucoup d'entraînement. Question de savoir un peu qu'est-ce qui l'a motivé en bout de ligne. Bonjour Charles. Bonjour Denis. Ça va bien? Oui, c'est passé des belles fêtes. J'imagine qu'il y a des fêtes comme avec l'expérience que tu vas vivre dans quelques temps. À quelque part, on doit moins bien manger, mieux manger, c'est-à-dire, mais on ne doit pas faire beaucoup d'excès. Là. Bon, on était assez tranquille là, au niveau alimentation. Tranquille côté excès, côté glucides, côté matière grasse. Beaucoup plus là au niveau de l'alimentation conçue puis un peu montée pour qu'on soit qu'on augmente notre masse musculaire, qu'on soit en mesure d'avoir une meilleure endurance. Donc là actuellement depuis je te dirais, le 2 janvier on est sur les glucides, c'est un petit peu plus facile, on peut manger un peu de fèves au lard, mais effectivement c'est des fèves qui côté Ostify, ça a été relativement relax. OK. Qu'est-ce qui a motivé Charles Quentin? Puis je pense que tu as un acolyte également qui est avec toi à tenter cette expérience-là. En fait, on est les trois avocats du bureau, Charles Quentin, Julien Boulian, Dominique Bouchard, okay. Avec un ami, un quatrième confrère qui est Richard Morin, qui est un ami personnel du trio. On a décidé à un moment donné de se lancer un défi au niveau sportif. Et on voulait associer ça à une espèce d'ascension et en même temps pour un organisme. Et c'est là qu'on a choisi la protection de l'enfance et de la jeunesse. Et on a appelé ça au sommet pour un montant de 15 000 $ pour la protection de l'enfance et de la jeunesse. Donc, les deux choses sont associées, et du sport versus là, collecter des fonds pour cet organisme. Charles, je sais que tu es avec ton cellulaire, donc est-ce que tu pourrais te tasser un petit peu? On a perdu un petit bout, peut-être te tasser de quelques mètres pour assurer évidemment oui. qu'on t'écoute bien. Dis-moi maintenant, est-ce que c'est si dangereux que ça? Parce que moi, j'entends des histoires que escalader le saumon-là, il y a des gens qui sont pas revenus. Est-ce que c'est dangereux ou est-ce que tu vois, c'est certaines places qu'il faut pas s'aventurer dans le fond, là? Non, écoute, c'est sûr que ça demande une certaine préparation, ça demande une connaissance de la montagne qui passe par la randonnée à l'équipe. Donc, oui, ça peut être dangereux si advenant qu'on décide de la monter en quelques jours, mais ce faisant, on a prévu une montée de 8 jours okay. avec 3 guides plus toute une équipe de porteurs et de cuisiniers. Donc, on a prévu un peu, on a encore le risque à ce moment-là pour éviter d'avoir des problématiques quelconques, que ce soit au niveau du froid, là, on y va avec l'équipement, hein, au niveau de la randonnée, on y va avec un délai en conséquence. Donc, tout est prévu dans le fond, on fait pas ça au hasard. OK. Qu'est-ce que est la mésaventure que tu redoutes le plus, qui te fait le plus peur un peu, là? Qui fait peur à... Ce qui fait peur aux membres de l'équipe, c'est beaucoup plus le mal de l'altitude, le mal des montagnes. C'est-à-dire que si on arrive à 3 000, 3 500, 4 000 mètres, on va gérer l'habitude, mais à ce moment-là, ça crée des maux de tête, ça crée des symptômes qui sont complètement inévitables, c'est-à-dire que ça devient un peu morphologique et physiologique. Donc, très difficile à éviter. C'est l'ennemi numéro un du randonneur là, quand il arrive aux endroits ou au confins d'un endroit comme le Kilimanjaro. OK, OK. Dis-moi, est-ce que tu as fait des expériences ou les membres de ton équipe ont fait des expériences sensiblement pareilles? Tu veux dire dans le passé? Oui, c'est ça. Est-ce que c'est vraiment ta première grosse expérience? Ben, écoute, mon fils, 5195, je vais être en radio. Oui, c'est une première pour moi. J'ai fait certains traits, avec ce que peut représenter Kilimanjaro. Par contre, j'ai des mots. 4, 5, 6, 8. Charles, on t'a perdu. Je ne sais pas s'il y a moyen de... Là. Oui, c'est un petit peu mieux, là. Donc, je voudrais répéter peut-être, si tu n'es pas ta première expérience. Est-ce que j'ai dit? Ouais. Ce que j'ai mentionné, c'est que j'ai vécu 5000 mètres, mais c'était dans des délais d'une journée, 48 heures maximum. Okay. Maintenant, là, ça va être une semaine à jusqu'à une montée de 5895 mètres. Donc, ça sera vraiment là une autre expérience, beaucoup plus, je vous dirais, approfondie du trek de randonnée en montagne. Et l'approche du Kilimanjaro, qui a quand même quelque chose à encadrer, parce que côté risque, évidemment, il y en a. OK. Est-ce que la préparation, est-ce que ça demande une préparation quotidienne? Comment ça prend de temps? Ben, c'est une préparation d'à peu près 4 mois, là, ce qui est indiqué. Okay. D'abord, il faut être en forme physique, en bonne santé. Deuxièmement, il faut être en bonne résistance musculaire, parce que ça sert de la randonnée pendant 8 à 10 heures par jour, en montée. Donc, ça prend un minimum d'endurance musculaire. Et troisièmement, là, ça prend une préparation mentale, parce que le côté mental est excessivement important. C'est, vous avez à combattre certains mails, certains bobos. C'est sûr que c'est pas une caresse là, que vous allez subir pendant les 8 heures quotidiennes. Là. C'est quand même de longues heures de marche où votre corps va être sollicité. Donc, il va falloir faire preuve de tolérance, de résistance. Et c'est là que l'élément mental là, devient un bon accompagnateur ensemble de la matière. OK, OK. Donc, cette activité-là va avoir lieu quand? On commence à la montée du Kilimanjaro le 5 janvier, qui va se terminer le 12 dans la nuit. En fait, on va partir vers minuit en heure pour la dernière journée, pour se terminer vers l'après-midi du... L'après-midi du 12 janvier 2017. Donc, c'est dans quoi 2 jours? Là? Donc, on est vraiment dedans. Oui, on prend l'avion ce soir, on commence dans 48 heures. Eh, monsieur. OK. Ben, Charles, on va te souhaiter la meilleure des chances à toi et ton équipe, puis peut-être se reparler après, si tu le permets. Ça va me faire plaisir, Danny, à toi et à tes auditeurs. Puis écoute, ça devrait très, très bien aller. On a bien espoir de pouvoir là, vous envoyer des nouvelles. Le 12 janvier 2017. Ben, merci beaucoup et bonne chance, évidemment. Donc, Charles Cardin et son équipe qui vont escalader le Mont Kilimanjaro très, très prochainement.